Romance de Cotin, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Romance de Cotin, A. E. Belé. Il se nommait Cotin. Il était professeur de chant et de piano, de plus, compositeur. Il avait travaillé longtemps pour le théâtre, ce royaume du faux, du clinquant et du plâtre, hanté par des braillards et régi par des sourds. Il n'arrivait jamais, il espérait toujours. Puis, il avait écrit 15 ou 20 mélodies, qui dans un cercle intime étaient fort applaudies. On ne s'enrichit pas à faire des chansons, pour vivre au jour le jour, il donnait des leçons. Attendant le bon vent ou la vague opportune, qui mènerait un jour sa barque à la fortune. Il eut quelques amis, mais il manquait d'appui. Une femme pourtant s'était vouée à lui. Sur la foi de l'amour ou de la destinée, à l'artiste incompris, elle s'était donnée. Cette femme, elle existe, et je pourrais, mais non, je la connais de vue et j'ignore son nom. Elle avait pour son Dieu fait un rêve illusoire. Croyant à son génie, elle voulait sa gloire. Il mourut à 30 ans, malheureux, inconnu, et son nom, jusqu'à vous, n'est jamais parvenu. Je viens de rappeler une époque lointaine, car je crois, sans donner la date pour certaine, que le pauvre Cotin n'existait plus déjà, dans la fameuse année où la France changea sa courte république en un nouvel empire. Remonter aussi haut, n'est-ce pas assez dire que depuis bien longtemps, l'artiste trépassé n'est plus qu'un souvenir aux trois quarts effacé. Même chez ses amis, même chez sa maîtresse, on ne vit ici-bas que par l'œuvre qu'on laisse. Que pouvait-lui promettre une fleur du matin, un tout petit recueil, romance de Cotin? Un jour que je faisais je ne sais quelle course au centre de Paris du côté de la Bourse, c'était, s'il m'en souvient, au mois d'avril dernier. À niveau d'entresol, j'aperçus un papier, collé contre une vitre, enseigne haute placée, peu faite pour les gens qui vont être baissés. Ce papier attira mes regards et je lus « Romance de Cotin à vendre, rien de plus ». Mais cette phrase seule ouvrait tout un abîme. Quel ami dévoué, quel débiteur sublime, tentait de rappeler au public affairé les œuvres et le nom d'un artiste ignoré. Ce personnage-là, je voulus le connaître, avisant l'escalier voisin de la fenêtre. Je franchis lestement les marches du premier. Plusieurs portes donnaient sur le même palier. Au hasard, je cognai la première venue. Après quelques instants, une femme inconnue vint ouvrir. Inconnue, ai-je dit, j'avais tort, c'était elle, l'amante ou la muse du mort. Elle avait bien vieilli, mais le chagrin et l'âge avaient moins altéré qu'ennobli son visage. Elle me reconnut, et du ton le plus doux. « Vous vous souvenez donc, me dit-elle, de nous. » Un pareil compliment aurait pu me confondre. Mais elle m'épargna l'embarras de répondre. « N'est-ce pas, reprit-elle en élevant la voix, que vous pensiez à lui, puisque je vous revois? N'est-ce pas qu'il doit vivre et que sa renommée n'est pas, ne sera pas dans la tombe enfermée? Songez donc, à 30 ans, s'il était mort plus vieux, il aurait produit plus, il n'aurait pas fait mieux. Vous connaissez son œuvre. Ah, si j'avais encore la voix, cet instrument qui rend l'âme sonore. Comme je m'en irais par la ville et les champs, colporter son portrait et son nom et ses chants, comme je répandrais le rayon qui m'anime. Il faudrait grâce à moi qu'on le trouvât sublime. Tout est du même prix. Est-il rien de plus beau que ce chant simple et doux, la plainte de l'oiseau? Alors, la pauvre femme, avec trop d'énergie, essaya d'attaquer la suave élégie. Mais elle avait touché la corde des douleurs, qui devait se détendre à l'approche des pleurs. Elle ne put poursuivre. « Ah, monsieur, me dit-elle, si vous voulez pour nous être un ami fidèle, voici tous ces morceaux, veuillez les accepter. Chantez-les, chantez-les, et faites-les chanter. » Je ne répondis pas, embarras ou mollesse, je lui tendis la main, en signe de promesse, et j'emportai le don qui m'était confié, comme un legs de l'amour offert à l'amitié. Paris sera toujours la ville où l'on oublie. Il est nombre de gens qu'on aime à la folie. Chaque fois qu'on les voit, et puis, sans s'émouvoir, on restera 3 mois ou 4 ans sans les voir. C'est l'été qui revient, on court à la campagne, chercher son petit coin de plaine ou de montagne. Je fus absent 6 mois, puis, avec les temps gris, hirondelle d'hiver, je rentrai dans Paris. Mais j'en dois convenir, j'avais, selon l'usage, oublié les projets faits avant le voyage. On dit que les absents ont tort, c'est pour le mieux, car ils ne sont pas plus oubliés qu'oublieux. L'hiver en nos pays est le temps des soirées, des hommes en habit et des femmes parées s'entassent chaque nuit dans des salons étroits où la place d'un seul se divise par 3. Là, pour suivre en tout point l'exemple britannique, sous prétexte de thé, l'on fait de la musique. Hier, je me trouvais dans un de ces salons. Un artiste allemand, portant des cheveux longs, ce signe en Allemagne est celui des artistes, jouait sur le piano des valses assez tristes. Je me trouvais placé tout près de l'instrument. J'avais les yeux baissés, et machinalement, j'aperçus devant moi des morceaux de musique, adroitement rangés, comme en une boutique. Je ne songeais à rien encore, quand soudain, je lus sur un morceau « Romance de Cotin », puis sur 2, puis sur 3, puis sur 1/4. Qui donc ici pouvait résoudre ce problème ? Cotin ? Cotin ? Cotin ? Ce nom devint pour moi un reproche indirect de mon manque de foi. Je me disais, comment, par quelles circonstances, serait-il devenu célèbre en mon absence? Puis, tout à coup, c'est elle. Elle doit être là, cachée en quelque coin, sans doute. Cherchons-la. Je la trouvai bientôt, toujours en robe grise, le deuil qui ne dit rien, le deuil qui s'éternise. Je traversai la foule et lui tendis la main. « Je n'ai rien fait encore, lui dis-je, mais demain, quoi qu'il puisse arriver, j'emploierai ma journée à tenir de mon mieux la promesse donnée. Je parlerai de lui. Comment ? Je n'en sais rien. Je tairai votre nom. Je citerai le sien. Je ne suis pas de ceux qui dispensent la gloire, mais si quelqu'un me lit, il saura votre histoire. Et vous qui la lisez, n'est-ce pas que c'est beau de conserver ainsi, par-delà le tombeau, le culte de l'artiste et la foi de l'amante? Âme de son ami, tu dois être contente. » Fin de Romance de Cotin, enregistrée par Margot.